Salut les amis, on se retrouve pour ce nouveau podcast. Voilà, c'est Sofiane. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste. Et aujourd'hui, pour le numéro 1, je ne pouvais pas le faire avec n'importe qui. J'étais obligé de prendre un ami, un mec super, vraiment un gars au top, un gars que je kiffe. Bon, malheureusement, il n'était pas dispo, mais j'ai trouvé quelqu'un. Et... Ah, bravo l'annonce. Désolé, vraiment. Non, c'est mon super poteau, c'est mon super frérot, Michel Bruno, mesdames et messieurs. Salut à tous, merci Sof, merci pour l'invitation. En plus, la première, donc on va dire que c'est le brouillon, hein, c'est ça? Non, c'est surtout que t'as la pression en fait. Ouais, en plus, ouais, si jamais tu le mal là. Si jamais j'ai pas 1 million de likes sur ce podcast, c'est que t'as fait n'importe quoi. Ah, mais moi, mais comme on est un petit peu en duo, c'est un petit peu de ta faute aussi. Enfin, imagine, enfin, genre, si tes questions sont nulles, enfin, tu vois, ça peut aussi. Non, je sais pas. Non, il y a forcément que moi. Il y a forcément que moi. Ça m'arrangerait en fait. D'accord, ok. Non, mais écoute, je peux prendre la responsabilité. Bon, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, le métier d'humoriste, hein, tu le sais, mon frérot, c'est des galères, c'est des joies, c'est des peines et tout, machin. On a des choses qui nous arrivent, tu vois, qui deviennent anecdotiques après. Donc, voilà. Donc, vraiment, je voudrais que les gens racontent ici, tu vois, les choses, tu vois, histoire de partager un petit peu nos galères avec le grand public. Et avec les collègues humoristes également. Et je profite de cette occasion pour les saluer. Voilà, donc les collègues humoristes, salut tout le monde. Big up les collègues. Big up les collègues, voilà. Et donc raconte-moi un petit peu ton anecdote ou tes anecdotes. Il y en a une là qui me vient en tête et c'est pas n'importe laquelle parce qu'en fait c'est ma première scène, on va dire, extérieure à mes origines en fait, à mes patelins. Donc, voilà, parce que toi tu vis en Bourgogne. Ouais, je vis en Bourgogne, enfin plutôt, même en Auvergne même. On va dire que je navigue entre l'Auvergne et puis la Bourgogne, si tu veux. Je vis en Bourgogne et je dors en Auvergne. D'accord. C'est un petit peu comme ça, tu vois. Donc, okay. Ça sent les faux papiers, ton histoire, hein, quand même. Ouais, hein, tout à fait. Ouais. Tu te caches de quelqu'un ou comment ça se passe? Du tout. Mais bon, d'ici que la police auvergnate ou bourguignonne arrive vers chez on moi, il y a un petit peu. Oh, de... t'inquiète pas, il y a de la marge. Tout va bien. Donc, en fait, si tu veux, donc, je suis sorti de mes racines et je suis allé dans une ville, donc pas des moindres. Et dans quelques jours, d'ailleurs, c'est le début du Festival d'Avignon. J'étais à Avignon, donc en 2014. Et j'allais dans un café-théâtre qui s'appelait le. En plus, ça s'invente pas. Le café des Italiens. Donc, ayant des racines italiennes, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Ah, alors, ouais. J'étais invité par un monsieur qui s'appelait Karl, très gentil monsieur. Mm-hmm. Je ne savais pas à quoi il ressemblait. Donc, avec mon meilleur ami et metteur en scène, donc Florian, voilà, on prend le TGV, on arrive à Avignon, on arrive à la gare. Et, donc, Karl était censé venir nous chercher. On est sur le pas de la gare et on voit au loin une 306 avec 4 portes, la cinquième ouverte, donc le coffre, tenue par des tendeurs. Ouais, 306 allongée, quoi. Ouais, 306 allongée, tu vois. Et donc le coffre était à moitié ouvert et tenu par des tendeurs avec une espèce d'échelle là, qui sortait. Donc c'est déjà rassurant. C'est super rassurant. Donc je crois qu'on était pas loin de la pelle d'ailleurs et du sac plastique, sûrement pas loin, tu vois. Il s'arrête devant nous. On n'était pas loin du frein, mais non plus. Donc il s'arrête devant nous et dit vous êtes tel et tel. Là-bas. Ils sont là-bas. Voilà. J'ai pas pu aller au bout de ma main. J'ai dit oui, c'est nous. Donc vous jouez au Café des Italiens ce soir. J'ai dit oui. Donc bah, écoutez, bah, montez, c'est moi qui suis censé venir vous chercher. Je m'appelle Karl. Donc on est monté dans sa voiture de fonction. Le mec était au taf normalement, il était censé taffer. Ouais, je crois qu'il avait il devait être en pause, ça devait être un gars sûrement de la DDE. Donc je suis monté derrière, donc entre les barreaux de l'échelle, donc il y avait ma tête qui dépassait. J'ai essayé de mettre mon sac où je pouvais, mon meilleur ami était devant, donc je pense que s'il avait eu des yeux derrière la tête, j'aurais pu voir un regard super inquiet. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a eu un gros coup de frein ou pas pendant que tu avais la tête entre les barreaux? Le frein, je sais pas s'ils connaissent Avignon en fait, je crois qu'ils connaissent que l'accélération et prendre les virage en troisième, etc. Ouais. Je crois que c'est encore pire que Paris de rouler à Avignon. Ah. On arrivait devant le café théâtre, il nous a déposé et dit bah, écoutez, laissez vos affaires dans la voiture. De toute façon, vu que je reviens tout à l'heure pour faire les balances, vous aurez vos sacs tout à l'heure. Donc en fait, on est arrivé au café des au théâtre des Italiens. Il y avait encore personne. Il y avait en fait c'était un rideau de fer, tu sais, comme dans les commerces. Ouais. Donc il y avait ça. Il y avait en tag dessus théâtre des Italiens. Ouais. Comme ça. Donc on était devant, on attendait la personne. Mais vous n'aviez pas vos affaires, quoi. Et on avait pas nos affaires, donc en fait on nous a récupéré à la gare d'Avignon, on sait même pas si c'était vraiment Karl. Ouais. Vu la voiture, je vois bien le mec qui est passé comme ça qui a dit deux pigeons, et tu vois, et c'est ça. Donc il nous a pris, voilà, donc il a nos affaires. Ouais. Je pense qu'avec ce qu'il y avait dedans, il aurait pu, je pense, revendre toutes nos affaires et se racheter une nouvelle bagnole. Donc une petite anecdote, c'est pas méchant. Donc il est revenu après, on a fait nos balances, les autres artistes sont arrivés, et puis voilà, ça nous ça nous a fait marrer après, mais c'est vrai que sur le coup, on n'était pas rassurés. Bah, c'est sûr que la campagne, la tête dans une échelle, dans une échelle, tu vois, c'est pas. Ouais, ouais. J'avais l'impression d'être une girafe, tu sais, genre, qui passe son cou comme ça. Genre, c'était sympathique. Donc voilà, c'est une petite anecdote qui nous a fait marrer après. Sur le coup, on n'était pas rassurés, comme je te dis. Genre, on sort de notre campagne, on arrive à Avignon, capitale du festival. Donc, voilà, mais petite anecdote. Non, comme ça, petit truc sympa, voilà. Il y a toujours des petits trucs. C'est gentil. Toujours des petits trucs comme ça. Ouais. Et donc, ouais, Flo, dont tu me parlais tout à l'heure, tu m'as dit qu'il avait un métier, donc c'est ton metteur en scène. Ouais, mon meilleur ami dans la vie et à la scène, en fait. D'accord, ouais. Ok, donc à la vie et à la scène. Et donc, il est prof d'histoire géo. T'sais, à la base, c'est pas des gens qui ont beaucoup d'humour, tu vois, à la base, les profs d'histoire. Moi, je me rappelle d'un prof d'histoire géo, et je te jure, je déconne pas. C'était mon prof en première, il s'appelait Monsieur Garcia, je me souviens. Mmh. C'était un mec, tout le monde le kiffait. Parce qu'en première, du coup, on passait que le bac français, on passait pas le bac d'histoire. C'est ça, ouais. Donc c'était pas grave, tu vois. Et lui, il nous a jamais fait une seule heure de cours complète. Il commençait au début, oui, donc Hitler, tout ça, donc qui a lancé l'offensive contre la Pologne, tu vois, il commençait un peu comme ça. Ouais. Je sais même pas d'ailleurs si c'est ça le truc. Je sais même pas, bon, j'ai pas mon bac, m'en voulait pas. Et il commençait donc sur Hitler et tout machin, genre la Seconde Guerre mondiale, voilà tout ça. Et après, il basculait, tu sais, genre tu revenais deux minutes après, tu sais, il basculait sur. Alors, on a mangé dans un resto d'altitude. Je te jure, 30 balles, il avait un accent du sud comme ça, 30 balles, je te promets, le menu entrée plat, dessert, voilà, magnifique, et le fromage, 30 balles, à l'époque c'était les francs, hein. Le gars il nous faisait ça, et nous on kiffait, et l'année d'après quand j'ai vu des gens genre qui passaient en terminale, tu sais genre on s'était un peu séparés, tous les premières étaient partis, bah tu sais il y avait plusieurs classes en terminale, donc du coup ils nous avaient un peu dispatchés, et on voit les collègues, on leur fait alors vous avez qui en histoire cette année, et ils disent oh punaise on a monsieur Garcia. Et on a dit, punaise, mais c'est génial, vous avez M. Garcia, quoi. Après, non, c'est pas génial, on est en terminale, on a le bac à la fin de l'année, tu vois. Ils vont pas nous demander des trucs sur le resto d'altitude, tu vois ce que je veux dire. Et ben, voilà, mais bon, c'était cool quand même. Et donc, lui, il est prof d'histoire géo, et ouais. Il déconne un peu aussi. Ah, il aime l'humour, il est bien. Longueur d'onde au niveau de l'humour, enfin, c'est ce qui a fait que Flo et moi, ça a tout de suite matché, quoi. Mm-hmm. Et bon, il a cette particularité, à chaque fois que je vais jouer dans une ville, c'est d'essayer de trouver ce qu'il y a à visiter, quoi. Et le problème avec Flo, quand on va dans un musée, c'est que, voilà, il va pas faire comme moi de passer comme ça de tableau en tableau. Le problème, c'est qu'il va rester un quart d'heure devant chaque toile, sculpture. Il va lire en petit qui a fait le machin, qu'est-ce que ça oui, représente. Forcément. Tu vois, les petites lignes qu'il y a sur nos contrats d'assurance, et ben, il va les lire, là, tu vois. Genre, et il pense que ça m'intéresse, et non. Ben, je dis que tu devrais, alors, j'ai rien contre Flo, hein, mais tu devrais trouver un metteur en scène un peu plus cool, tu vois. Pas un prof d'histoire, tu vois. Essaie de trouver un boucher ou un kebabiste, ou je sais pas, tu vois, un truc comme ça. Ah ouais, pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal, tu vois. Tu tombes avec un gars, tu sais, qui bosse dans le fast-food. Dans chaque ville où tu joues, il t'emmène dans les meilleurs coins. Tu vois, c'est intéressant. Écoute, on en profite pour saluer Flo, hein, qui t'emmène à chaque fois, donc dans les musées et tout, hein. Et avec un petit message pour lui, Michel préférerait visiter les kebabs, en fait, hein. Il préférerait un peu de variété, un petit peu de fantaisie. Parce que les musées, hein, je veux dire, je sais pas, une fois que t'en as vu un, tu les as tous vus. C'est ça. Bon, alors là, pour le coup, genre, si la prochaine destination, c'est Bordeaux. Donc là, mon Flo, t'inquiète pas, je vais demander à Sofiane, je pense que les kebabs à Bordeaux, ça doit pas manquer. Là, il y a pas de souci, t'inquiète pas. Là, si tu passes à Bordeaux et tout machin, moi, je te fais pas visiter les musées. Moi, je te fais visiter les kebabs sans problème, ouais. Les tacos, les machins. Je connais les meilleurs endroits. Par contre, si je peux me permettre, me fais pas visiter les caves à vin, ça m'intéresse pas. Ah. Étant de Bourgogne, t'imagines bien. Voilà, c'est le meilleur vin du monde. Enfin, les États-Unis, toi, ils nous en prennent. Bordeaux. Pas moi, le vin de Bordeaux, personnellement, et étant pécor, tout ça, je m'en sers pour mon tracteur. Tu sais, pour faire ma vinaigrette et pour mettre de l'huile dans mon tracteur. Voilà, d'accord, tu vois, ok, donc, sympa, ouais, sympa. Enfin, d'ailleurs, quand on va être content de te recevoir, toi, j'imagine. Enfin, je sais pas si je le dirais dans le spectacle devant des Bordelais, quoi. Je sais pas. Merci beaucoup, Michel Bruno. Merci beaucoup, mon poulet, d'être venu. Ça me fait super plaisir. Merci à toi. Et j'ai été ravi vraiment que tu sois le premier invité de ce podcast. Hein. C'est juste des petites anecdotes comme ça, tranquille. Voilà, on discute, on se prend pas la tête. Pareil, super d'avoir partagé ça avec toi. Je disais vraiment, c'était un kiff et tout de t'avoir pour cette première édition. Et puis j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et puis voilà. Bon, là aujourd'hui, je te reçois dans ma voiture. Hein. Ouais. Mais j'espère que pour les prochaines éditions, on va augmenter de niveau. Ouais. Tu vas me recevoir dans ton bus, quoi. Bah, à la limite. Hein. Bah, ligne 5, hein, n'hésitez pas, soyez les bienvenus. Yeah. Voilà. Et puis, ben, écoute, prends soin de toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup? On peut te retrouver sur Facebook? On peut me retrouver sur Facebook, voilà. Tout simplement, Michel Bruno. Voilà, Michel donc, Bruno. Il y a mon actu. Et 2019, là, voilà, donc là, je reste tranquille en off cet été. Et puis, à la rentrée, ça va reprendre de plus belle. Il va y avoir des belles dates. Voilà. Donc, il y a la première partie de Gilles Alma, d'Elodie Pou qui vont arriver. Puis, je retravaille mon spectacle tranquillement. Et puis, on va essayer de vendre tout ça. Mais avec grand plaisir. En tout cas, voilà. Donc, Michel Bruno sur Facebook. T'es sur Twitter, tout ça, peut-être? Pas Twitter, non. Instagram? Instagram, non plus. Non plus. YouTube? YouTube. Oui, oui, vous pouvez taper YouTube. Michel Bruno Michel Angelo. Bruno. Michel Bruno Angelo, vous Michel tapez Bruno sur, Angelo. D'accord. Sur YouTube. Il y a quelques vidéos, voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup, Michel Bruno, d'être venu. Et puis, je te dis à très bientôt. Bah écoute, mon Sofiane, merci pour tout. Merci pour cette invitation. Et puis, à bientôt. Hein, on va vite se retrouver, à mon avis, pour d'autres projets. Les loulous, prenez soin de vous. Et à bientôt. Salut. Merci à toi. Et puis, à très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc, vous tapez Sofiane Humoriste. S-O-F-I-A-N-E. Humoriste. Voilà. Donc, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous. Même à toi là-bas.